Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Réforme et régression ». L'accès à des services fondamentaux doivent-ils être entravés par une partie, pour une partie de la population ? La question doit être posée, car pour la grande majorité de nos concitoyens, la réponse est non. Cependant, la réalité est tout autre dans notre société, société dans laquelle les réformes successives, commencées avant Macron pour la plupart, mais qui se sont accélérées sous son règne, obèrent l'accès aux services publics. Je me suis déjà étendu sur la réforme, sur certaines réformes dont l'accès a été modifié, à savoir la filière prud'homale. Modifié avec, dans le même temps, un recul historique des droits des travailleurs. Aujourd'hui, c'est l'UFC que choisir qui s'inquiète de l'accès à la justice pour les consommateurs. Alors, bien sûr, je vais vous faire part quand même du texte de l'UFC que choisir, qui s'intitule « Pour le maintien de l'accès à la justice des consommateurs ». Décrié par les juges d'instance, les avocats et plusieurs ONG, dont l'UFC que choisir, lors de sa présentation en avril, le projet de loi de programmation pour la justice est discuté en ce moment au Parlement. Malgré les déclarations répétées de la garde des Sceaux, assurant que le statu quo serait maintenu, en ce qui concerne l'accès des Français à la justice, ce texte inquiète toujours l'UFC que choisir. Entre la généralisation de la représentation obligatoire par un avocat, le préalable imposé d'une médiation ou d'une conciliation, et non d'une simple démarche amiable, qu'encore la fusion des tribunaux d'instance avec les tribunaux de grande instance, le projet de loi dresse une série d'obstacles supplémentaires entre les consommateurs et la justice. Plus grave, nombre de dispositions du projet de loi renvoient à des décrets d'application, dont la teneur n'est toujours pas connue. Un accès au juge, mort sur ordonnance, on peut se poser la question. En tout état de cause, si la justice est aveugle, le texte censé la moderniser l'est tout autant. Refusant que la justice se dérobe, l'association appelle donc les parlementaires à amender le projet de loi afin qu'il ne parachève pas, après la réforme de la carte judiciaire, une politique d'éloignement des consommateurs de la justice. On voit à travers cet article que les consommateurs s'inquiètent effectivement de l'accès à la justice après un tas de personnes aussi qui... Il y a eu des tas de lois qui ont été votées, qui sont toutes plus régressives les unes que les autres, y compris pour les libertés publiques. Voilà, alors que dire par rapport à tout ça ? Que globalement, on doit constater que l'on éloigne les citoyens des services publics et des centres de décision. La privatisation de nombre de services à la personne va encore accentuer les inégalités territoriales entre les citoyens de ce pays, selon qu'ils seront riches ou pauvres, habitants des villes ou de la campagne, ou encore, comme ce qui nous concerne, de la montagne. Lors de mes chroniques successives, j'ai parlé et relayé l'expression de ceux, de plus en plus nombreux, qui craignent pour l'accès aux soins et aux services publics en général. Une chose est sûre, il est bien plus facile de se procurer des biens marchands un dimanche ou un jour férié, que de se faire soigner, même pour un cas urgent. Qui n'a pas été confronté, pour lui-même ou quelqu'un de sa famille, à effectuer des démarches fébriles pour trouver un médecin de garde ou une pharmacie de garde, pour finir, faute de contact fiable, aux urgences, avec des temps d'attente qui peuvent quelquefois atteindre 12 heures. Et cela risque d'empirer, puisqu'il est question, dans les hôpitaux dits de proximité, de ne plus garantir l'accès aux soins et les urgences 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour se limiter à des heures d'ouverture qui ne seront même pas équivalentes à celles d'un supermarché local. De quoi s'inquiéter pour notre avenir de montagnard, obligé de prendre son véhicule et de se rendre de plus en plus loin pour accéder à un service public, fût-il celui de la santé. Et ajoutons à ça, bien sûr, avec un prix des carburants qui augmente de jour en jour. Et pendant ce temps, des enseignes de la grande distribution se vantent, à grand renfort de pub, d'ouvrir tous les dimanches et jours fériés. Il est facile de se procurer des marteaux et des clous un dimanche ou un jour férié. En revanche, essayez donc de vous faire soigner, même pour un cas d'urgence. Ces jours-là, qui devraient être réservés à la culture, à la détente, aux loisirs, au sport, au culte, que sais-je encore. Les citoyens consommateurs sont plutôt invités à fréquenter les rayons de la grande distribution, avec en face d'eux des salariés qui voudraient profiter d'un jour de repos et de loisirs avec leur famille, à qui on a forcé la main pour venir travailler le dimanche ou le jour férié, au détriment du petit commerce local, faut-il le dire. Décidément, notre monde marche sur la tête. Il ne s'agit plus de satisfaire des besoins fondamentaux, mais de vendre avec force publicité des biens de consommation n'importe quand et par tous les moyens. Même les plus douteux, comme ces panneaux lumineux, gigantesques, qui portent les carrefours et attirent l'œil des automobilistes au détriment de la sécurité routière. Voilà ce qui, je pense quand même que quelquefois il faut mettre les choses au point. Je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.